Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis, on parle de gadgets dans la chronique technologique CNX. Et aussi, ben, il va y avoir plein de bonne musique et nous, on est là, c'est assez bon. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan et c'est la première émission. Aujourd'hui, la première émission de l'année 2010. Deuxième session ou saison pour nous, si on peut dire, ou simplement la continuité de l'automne dernier. On va dire saison. Saison, ok, parfait. Ouais, je pense que c'est beau comme ça. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Passez de belles vacances. Oui, très belles. Et toi? Oui, pas si pire. Pourquoi pas si pire? Non, mais ils ont bien été mes vacances. Ouais, bon, tant mieux. Mais oui, on s'est vus une couple de fois dans les... Une fois. Oui, on s'est vu une fois, oui. Ouais. Je suis étonné que tu t'en souviennes, par contre. Ouais, ben, c'est déjà ça. Ta face me dit quelque chose, Kiwan. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir une nouvelle chronique technologique CNX. On va parler de gadgets. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on va avoir comme contenu à parler dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que on n'est pas encore complètement en retour d'émission. Les chroniqueurs sont plutôt absents cette semaine parce que, bon, tout le monde n'a pas commencé leur session d'études ici à l'université. Donc, ils sont encore un peu dans leur coin, un peu partout. Donc, aujourd'hui, normalement, on recevrait Émilie Gauthier. À l'avenir, tous les mardis, Émilie va être ici pour nous faire sa chronique planaire. Mais aujourd'hui, donc, petite relâche pour elle et pour d'autres chroniqueurs aussi, je crois, cette semaine. Oui, tout à fait. Il va y avoir Simon demain. Demain, Simon va être là. Bon, parfait. Avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, qui normalement serait le mardi pour ceux qui suivent l'émission depuis le début. Mais ce sera dorénavant les mercredis. Sinon, on va avoir tout plein d'autres sujets à discuter. Ce ne sera pas ennuyant du tout l'émission d'aujourd'hui. Mais on prend le temps de bien commencer. Hein? C'est comme faire du vélo, ça, de la radio. Pour embarquer sur le cheval. Attends, mais là, ça marche plus, là, par exemple. Ouais. Mettons, en tout cas, peu importe. Hein? Bon, mais comme tu l'as si bien dit, c'est ça, c'est pas en apprenant à nager qu'on fait du repassage. Donc, on va s'en aller en musique là-dessus. Ouais. Mais non, mais c'est ta citation, là, c'est toi qui avais... Oui, Namas Pomousse, là. Exactement. Littéralement, Namas Pomousse. Vraiment. C'est Assemblage requis. Au 89.1 FM. L'émission qui Namas Pomousse. Y'en a pas. Y'en a pas! No Moose! No Moose. Mais il y a de la muse. Yeah. Alone. Fire et So Light as Her Footfall à assemblage requis, émission qu'on doit lever à deux. Sinon, tu peux avoir des problèmes de dos aussi. Ah, c'est vrai, c'est très, toujours important. N'oublie pas de plier les genoux aussi, c'est vraiment très, très important. Parfait. Hey, Hair vont être en spectacle à, au Québec au mois de mars prochain. C'est le 22 mars, c'est loin, mais je vous en parle tout de suite parce que les billets sont en vente à partir de cette semaine. À partir de samedi, le 9 janvier, vous pouvez acheter vos tickets pour aller voir Hair au Métropolis à Montréal. C'est la seule date au Québec. Et ça coûte une trentaine de billes pour aller voir Air, où les billets sont à vendre donc sur Ticket Pro. Et je savais pas, mais pour leur tournée nord-américaine, Air sont trois sur scène, sont trois musiciens. J'avais aucune idée de la formation qu'ils pouvaient avoir sur scène, si c'était seulement deux ou c'est vraiment tout qu'un groupe avec eux. Mais ils sont seulement trois. Et puis la troisième personne qui s'ajoute au duo Air, c'est Alex Thomas. C'est le percussionniste de Bad for Lashes qui fait la tournée avec Air, donc spectacle à trois. Pour Air au Métropolis le 22 mars prochain. Tant qu'à parler de musique, j'ai envie de parler des spectacles, en fait des performances musicales, des talk shows qui vont avoir lieu cette semaine. T'en as raté des très très bonnes hier, Kiwan. Va falloir que t'ailles chercher ça sur les internets. Là. T'as raté Jump and Droids à Late Night with Jimmy Fallon hier. Il y avait aussi une rediffusion de l'émission avec OK Go à Carson Daly. Donc si vous voulez aller chercher ça sur internet, ça se trouve facilement. Ce soir, mardi, on a Vampire Weekend à David Letterman. Oui, parce qu'ils lancent ils sortent leur nouvel album la semaine prochaine. On va écouter d'ailleurs une pièce un petit peu plus tard dans l'émission, une nouvelle pièce de ce nouvel album qui est lancé la semaine prochaine qui s'appelle Contra. Il va aussi y avoir Black Lips en reprise à Carson Daly. Demain, dans les talk shows américains, il va y avoir Julian Casablancas. Encore à David Letterman, très à l'avant-garde musicale, c'est David Letterman. Sinon, on parle aussi de Bad for Lashes, tiens, demain à Carson Daly, encore une reprise. Et vendredi, on retrouve les Dodos à David Letterman et OK Go à Conan O'Brien. Et en plus, il y a même une reprise, encore une fois, de Metric à Carson Daly. Donc, une très, très bonne semaine musicale, je trouve. L'invité musical, par contre, de Saturday Night Live cette semaine, ça va être Alicia Keys. Donc, faut compenser un peu, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. Voilà pour les talk shows et je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com si les noms vous intéressent. C'est les noms des émissions à écouter aussi. Moi, je les écoute, ces performances-là, j'aime ça. C'est bon. Ben moi, j'écoute pas les émissions, mais quand il y a des bonnes performances, comme ça, quand tu me dis qu'il y a des bonnes performances, surtout qu'ils se trouvent toutes sur Internet, après ça, tu peux écouter comme juste le clip souvent de la performance musicale. Donc, c'est très intéressant. Et puis, en plus, tu nous mets tout ça en lien sur le assemblagerequis.com. Je suis fin comme ça. Dans le prochain bloc musical, on va entendre un petit peu de Vidéoville, Kiwan. Oui, Vidéoville, un groupe que j'ai découvert récemment, un peu avant les fêtes, parce qu'ils vont être, ils vont faire partie de la troisième édition de la série de concerts Feu de forêt dans le désert qui a lieu, c'est tous les troisièmes vendredis du mois. Ici à Trois-Rivières, à la galerie Lapart, et puis Vidéoville vont faire partie de la troisième édition qui se trouve à être, je crois, le 15 janvier prochain, mais je pourrais qu'on vous confirme ça. C'est un quel jour? Tout à l'heure. C'est un vendredi. C'est le 15 janvier, exactement. Je l'ai sous les yeux. C'est le 15 janvier prochain à Lapart ici. Donc, un des groupes qui vont faire partie de cette troisième soirée-là, il va y avoir aussi A Predator et Eta Oin, j'essaierai pas de lire le nom. Eta Oin. Il manque un petit peu de voyelles, je trouve, là-dedans. D'accord. Tu essaieras de le dire tantôt, toi. Tu me le montreras. Je vais te le montrer. Donc, on écoute tout de suite Vidéoville avec la pièce Richard Séguin pris en otage dans une cheminée à Pointe-aux-Trembles. C'est bien ça, hein? Ouais, et Richard Séguin pris en otage dans une cheminée à Pointe-aux-Trembles. Ouais, c'est bien ça. On l'écoute tout de suite à Assemblage Requis. L'émission qui pourrait porter un nom plus long encore, mais ça serait confus. On travaille là-dessus. Ouais. Maintenant, avec qui je vais me gueuler, hein? Qui est à distance dans Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Vous êtes avec Kiwan et Mathieu sur les ondes de CIFU 89.1 FM, n'est-ce pas Kiwan? Oui, tout à fait, dans cette première émission de l'année 2010, mais pas de la décennie, c'est ça dont on est en train d'argumenter là, pendant qu'on écoutait la musique. C'est un gros débat qu'il y a sur Internet et ailleurs, là, les gens en parlent et puis arrêtent pas de dire, tu sais... Je suis d'accord avec l'idée de la chose, tout à fait. C'est qu'on n'est pas dans le début d'une nouvelle décennie parce qu'une décennie commence par l'an 1 parce qu'il n'y a pas eu d'an 0 en théorie après le petit Jésus. Hein? Donc, scientifiquement, la décennie commencerait au début de 2011. Mais là, d'autres gens disent « Oui, mais c'est comme dire que les années 60 auraient commencé en 61. » Oui, mais il faut faire la différence entre une période de 10 ans comme les années 60 ou les années 2010 dans lesquelles on est et une décennie qui, mathématiquement, commence... par l'an 1 de la décennie courante et se termine le 31 décembre 2010, par exemple. Oui, c'est sûr. Mathématiquement, là, je comprends ça, sauf que c'est facile à dire quand tu regardes, par exemple, tu parles des années 70, mm-hmm. c'est dans le passé. Si tu regardes dans le passé, c'est facile de dire bah, c'est juste une période de 10 ans, mais quand tu es dedans, quand tu le vis présentement, c'est comme là de dire qu'on n'est pas dans la décennie, on appelle ça vraiment la décennie, les années 10. On n'est pas dans les années 10 encore, tu sais. Si on parle comme ça, si on dit, mettons, que les années 10 sont une décennie, ben on n'est pas dans les années 10, mais on est en 2010, tu comprends? Ouais, c'est un petit peu confus, c'est ça qui est le gros problème du débat. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont des deux côtés de la clôture. Ce que ça dit dans l'article que je vais poster sur l'assemblagerequis.com, hein, juste pour ceux qui veulent se renseigner un peu, c'est que le mot décennie vient de la racine déca, qui veut dire 10. Et donc, c'est ça qu'il faut compter à partir de l'an 1, après le petit Jésus. Parce que quand le calendrier grégorien a été inventé, ben, on commence par l'année 1. Maintenant, on est dans l'année 1. On n'est pas dans l'année 0. Qui se sont dit à ce moment-là. Donc, si on part de là, parce que c'est la racine de tout, la civilisation religieuse, etc., à partir de là, ben, si on compte par paquet de 10, ben, on se rend compte que ça termine la décennie le 31 décembre 2010. Bon, plusieurs débattent ça, comme je le disais. Dans l'article, ça parle d'ordinal et de régnal. Il y a un paquet de termes anglophones comme ça que je n'essaierai même pas de traduire parce que je ne connais rien dedans. Mais sur l'article de Wikipédia, il y a un autre débat. On nous souligne là-dessus, et si vous êtes sur les médias sociaux, entre autres, les gens n'arrêtent pas de se lancer la balle là-dessus, sur comment prononcer en anglais les années 2010. Parce que ça, c'est vraiment un gros enjeu de la vie en ce moment. Comment prononcer 2010 en anglais? Est-ce qu'on dit 2010 ou est-ce qu'on dit 2010? Les gens à la mode veulent tous dire 2010, et ça aurait plus de sens parce qu'on disait pas, par exemple, pour les années 1999, mettons, l'année, on disait pas, tu sais, en anglais, 1999, 1999. Non, on disait 1999. En français, on n'a pas ce problème-là parce qu'on disait 1999, ce qui est beaucoup trop long quand on le réalise. On pourrait dire 1999, ce serait pas très beau. Mais bref, en anglais, ils veulent dire 2010, donc 2010. Mais pour la première décennie des années 2000, les gens avaient arrêté d'utiliser, de dire 20. Ils disaient pas... J'ai rarement entendu 2001, là, non? Ben, ça dépend des gens. Il y en a qui le disaient. Il y en avait qui disaient 2009, 2008, 2007, etc. Mais après ça, quand t'arrives en haut de 10, là, tu sais... 2010, ouais. C'est encore beau, mais 2021, 2330, ça commence à être beaucoup à un moment donné. Ouais, ça prend du temps encore avant qu'on se rende là, mais le monde pense pour le futur. T'sais? Ils veulent vraiment tout de suite commencer à bien le dire. C'est un peu ridicule comme débat. T'sais? Autant que la décennie, parce que dans le fond, on s'en fout, on les vit, les années qu'on vit là. Mais comment les prononcer? Il y a des gens que ça touche, faut croire. Voilà. Donc, quand même, si on compte mathématiquement, moi, je vais arrêter de dire que c'est la nouvelle décennie. En fait, j'ai jamais dit, mais bon. Ben non, tu le savais. Ben je le savais. Moi, évidemment. Okay, ouais. Mais c'est ça. Donc, nouvelle décennie en 2011, en théorie. En pratique, ben vous ferez ce que vous voudrez. Hein? Donc, tous ceux qui ont commencé déjà à faire là, leur palmarès de la première décennie, ils sont comme pas dedans. Là. Je défais tout votre travail. C'est ça. Non, mais c'est correct de dire t'sais, qu'on fait un résumé des années qui ont commencé par 2000 et terminé par 2009. C'est une portion de vie qu'on appelle une période de 10 ans. Ou on peut dire une décennie, peut-être. Je sais pas s'il y a un mot exact pour ça, par exemple. Une décennie qui n'est pas comprise par... Une dizaine d'années, je sais pas, non? La dernière dizaine. Ouais. La dizaine. Ça a du sens, t'sais. Ouais, bon. Voilà, fin du débat pour ça. Les liens, encore une fois, vers les explications sont sur le assemblagerequis.com. Vous êtes, en passant, dans l'émission Assemblage Requis. C'est l'émission du retour en pièces détachées. C'est l'émission qui commence une toute nouvelle session. Et en passant, les chroniqueurs des émissions quotidiennes, il y en a qui changent de place, tu sais. Ça arrive comme ça. Au début d'une nouvelle session. Et pour ceux qui s'attendent à entendre Simon Fitzbay et ses mythes du rock'n'roll dans l'émission d'aujourd'hui, sachez que c'est maintenant le mercredi, donc demain. Et les mardis, normalement, ben, à l'avenir, ce sera Émilie Gauthier. Et ça commence la semaine prochaine. Et tant qu'à être dans les changements des horaires des chroniqueurs, si vous êtes également habitué d'entendre Maxime le jeudi, ben, ça va être les lundis à l'avenir. Donc lundi prochain, ça va être sa première chronique, puisque hier, il n'y avait pas d'émission. Ouais. Et pour ceux qui veulent non. Il n'y en a pas d'autres, finalement. Non, c'est tout. C'est ça, c'est tout. Mais c'est assez. Mm-hmm. C'est beaucoup. Ben oui. C'est de très, très bonnes, très bonnes personnes. Hein, bon. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Monkey One? On va écouter une pièce de Dactylo Fidelity qui s'appelle Des kaléidoscopes et des sabliers. D'accord. On va t'appeler Kiki. Juste pour aujourd'hui. Non, s'il te plaît. Kiki? No Kiki for Kiwi? No Kiki for... Non? C'est Assemblage Requis! Oh. 89.1 FM, Mathieu Blanc. Ah, oh, wow! Ah, oh, ça c'était beau ça. Thank you. temps. Une horloge marque le temps. 10 000 ans. 10 000 ans. 10 000 ans. 10 000 ans. 10 000 ans. 10 000 ans. 10 000 ans. Les kaléidoscopes. Le cœur en résidence, chimère achevée, des kaléidoscopes et des sabliers. Vous écoutez Assemblage Reiki jusqu'à 17h. Vampire Weekend qu'on vient d'entendre avec la pièce White Sky. C'est un extrait de leur prochain album qui s'appelle Contra, qui va sortir la semaine prochaine, en fait, disponible en magasin la semaine prochaine, le 12 janvier. Il est déjà, vous pouvez déjà le précommander sur iTunes. Et vous pouvez aussi voir une performance de cette pièce-là, White Sky, sur Pitchfork TV, sur le genre de web télé, l'émission web Juan's Basement. Donc, ils sont allés jouer dans le sous-sol de Juan et puis c'est disponible sur pitchfork.tv. Il y a deux performances live que vous pouvez voir en vidéo sur pitchfork.tv. TV. Et puis sinon, l'album au complet est en écoute sur le MySpace du groupe, myspace.com/VampireWeekend. Et si vous allez sur le VampireWeekend.com, vous avez un téléchargement gratuit de la pièce Cousins. Ouais. Cousins. Et si vous la commandez sur, si vous précommandez sur iTunes, vous avez Cousins en téléchargement gratuit. Merci. Okay. Bon, ça ressemble à ça. Voilà. Kiwan. Oui. T'as envie d'entendre des faits divers, toi? Vas-y, j'ai tellement envie, vas-y. Parce qu'il y a un compte sur Twitter qui s'appelle OMG Facts. D'accord? Okay. OMG Facts. Et là-dessus, il poste plein de faits divers, de faits cocasses, de faits le fun, juste des petites phrases qui te font dire « Ah ben, gadons ça! » Ça me tentait d'en parler un peu. Bon. Tiens, on commence par... on estime que... Attends un peu. Hey, ça commence bien, hein? Ça commence très, très bien. On mange 10 millions de dindes pendant la période des fêtes. Ah ben, gadons ça! C'est beaucoup! 63% des gens, dit-on, dit une étude, vont garder leur résolution du nouvel an après les deux premiers mois. 63%. C'est quand même bon. Je trouve. 65% des gens ont pris leur résolution entre le 28 décembre et le jour de l'an. 67%, on tombe toujours dans les mêmes chiffres ici. 67% des gens ont fait trois résolutions ou plus, ont pris trois résolutions ou plus pour la nouvelle année. Mais c'est obligatoire, ça, les résolutions, là. Je commence à être inquiet. Ben, c'est un peu cliché, je trouve. Okay. Hein. Ça ne sert plus à grand-chose. On sait qu'on les suivra pas, nos résolutions. C'est juste... C'est un peu comme des REER, là. Tout le monde t'a dit d'en prendre, mais t'en prends pas, puis c'est pas grave. Ça change pas ta vie. Les gens prennent la résolution de démarrer une nouvelle habitude à 84%, plus que d'arrêter une vieille habitude, par exemple, arrêter de fumer, à seulement 16% de ce côté-là. L'Américain moyen prend environ 6 mois pour payer ses factures de carte de crédit des fêtes. Là, on arrête de parler des fêtes. Revenons sur d'autres affaires que les fêtes. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le zip? Tu sais, dans un zip code aux États-Unis, au lieu d'un code postal, ils ont des zip codes. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, zip? Non. Ça veut dire Zone Improvement Plan. Oh. Non. 40% des profits de McDonald's viennent des ventes des joyeux festins. Pour les enfants, c'est ça? Oui, c'est ça, les joyeux festins. Les petits repas avec un petit jouet, là. 40%. Je ne m'attendais pas à ça, mais non. C'est beaucoup. Savais-tu que le point rouge, tu sais, le logo de 7-Up, il y a un point rouge en dessous. Ça vient du fait que son inventeur avait les yeux rouges, il était albino. C'est ce que ça dit sur MG Facts. Il y a même un lien pour la preuve. Bon. 315 mots dans le dictionnaire Webster de 1996 étaient mal éplés. 315 mots. On dit qu'il y a environ 65 millions de roues dans le monde. Combien? Non, ça m'a fait changer de page. 65 millions. 65 millions, Kiwan. Mais c'est pas beaucoup, je trouve, dans... Dans tout l'univers. Mais c'est une anomalie, tu sais, ouais. Être roux, donc, tu sais. C'est sûr que aussi, c'est un phénomène qui. Ben, c'est un phénomène, tu sais. C'est pas paranormal. C'est une position, c'est un état. Non, mais c'est surtout c'est chez les gens blancs. Oui. Donc, c'est quand même une grosse proportion d'abord, là. Mm-hmm. Des gens qui ont la possibilité d'être roux et qui le sont vraiment. Et voilà. J'ai vu une personne, c'était dans une télé-réalité britannique, tu sais, quand les télé-réalités, on essaie toujours de trouver des gens qui sont comme, tu sais, pas exclus de la société, mais tu sais, qui sont pas dans les... Dans, non, tu sais, non, mais c'est vrai. Les minorités visibles. Ben, si on veut, on essaie de trouver des gens originaux, ce qui est très bien. La plupart du temps, il y avait un gars qui était noir, donc afro-américain, mais afro-britannique, et qui était albino. OK. C'est vrai, ça existe. Ça existe? Ça existe. Continuons avec des faits... Il était pas roux, là. Mais non, il était pas roux. Mais okay. On peut pas t'avoir non plus, okay, moi. Non, c'est vrai. Selon les animateurs, là, t'sais, des gens qui animent des films, des dessins animés, vous allez voir environ 6,5 millions de points noirs, à chaque fois que vous allez regarder le film sans un dalmatien. 6,5 millions de points noirs sur les chiens, entre autres. J'imagine. Une personne de 100 livres sur Terre va peser 38 livres sur Mars. Rapidement, on termine quelques-uns. Ça a pris à la radio 38 ans avant d'arriver à 50 millions d'auditeurs, alors que l'Internet a pris 5 ans pour se rendre à 50 millions d'utilisateurs. 5 ans contre 38 ans pour la radio. Grande avancée. Vous avez 3 fois plus de chances d'être tué dans un accident de voiture pendant que vous êtes en voiture en train d'aller vous acheter un billet de loterie. 3 fois plus que de gagner à la loterie, on s'entend. Que de gagner à la loterie. Combien de fois? 3 fois plus 3 de chances de se faire frapper, d'avoir un accident de voiture. Voilà. Sais-tu que Whoopi Goldberg n'a pas de sourcils? Ah, j'avais jamais remarqué, tu vois. C'est vrai. Je vais porter attention aussitôt que son prochain film va sortir. C'est ouais. Elle a encore une carrière. Rock'n'None 4. Il y a 293 façons différentes de faire de la monnaie pour 1$. J.K. Rowling, Harry Potter, etc., est plus riche que la reine d'Angleterre. Et finalement, Albert Einstein et Charles Darwin ont tous les deux marié leur cousin. cousine. Pas correct. Pas la cousine de l'autre, chacun sa propre cousine. Bon. C'était des faits divers sur le compte Twitter de OMG Facts, twitter.com/OMG Facts. Voilà. Le lien est sur assemblagerequis.com, évidemment. T'es renseigné, là, qu'ils vont tenter des choses. Là. Oui, là, vraiment, ma journée est faite. Tu peux pas dire que tu connais rien. Non, ça... Tu connais des choses pas importantes. J'aurais jamais pensé dire ça, là, mais non. Ouais. Vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées au 89 FM jusqu'à 17h, qui est Wanné Mathieu, qui vous tiennent compagnie aujourd'hui et tous les jours du lundi au jeudi. Dans le prochain bloc, on va entendre un petit peu de Tegan and Sarah. Oui, quelle pièce on va entendre? On va entendre la pièce Alligator, parce que tu sais qu'il va y avoir des remixes de Alligator qui vont sortir aussitôt que le single de Alligator va sortir. Là. Évidemment, l'album est sorti, il y a Alligator dessus, mais ils vont sortir comme single. Et il va y en avoir peut-être 6-8 qui disent sur iTunes des remixes de Alligator. Okay. Donc, on l'écoute tout de suite. À son magique. Au 89.1 FM. Wood Hands, Electric Avenue, cover de Eddie Grant. Oui, c'est une reprise qui se retrouve sur l'album du 7e anniversaire de la compagnie disque Paperback Records. Il y a plein d'artistes. En fait, plusieurs artistes de l'étiquette de disque qui reprennent tout plein de pièces connues comme ça. Parmi les artistes de l'étiquette qui font des pièces, il y a UC Party, We Say Die, Slim Twig, CFCF, Fail Girls, Winter Gloves. On a déjà entendu une reprise de Winter Gloves ici d'une pièce de Nirvana, Smells oui. Like Teen Spirit. Mémorable. Oui, vraiment très bon. Et puis, Wood Hands, qu'on vient d'entendre, eux préparent un nouvel album. En fait, l'album doit être pas mal déjà prêt parce qu'il va sortir le 26 janvier prochain, c'est dans quelques semaines. L'album va s'appeler Remorse Escape et est déjà commandable présentement sur la boutique du paperbagrecords.com. Boutique TVA. Aussi. Oui, José Mondo. Oui, oui, a fait une très belle démonstration de l'album. Tout plein d'utilité, en fait, hein, cet album-là. En tout cas, tu peux perdre du poids, c'est certain. Oui, oui, oui. En écoutant ça. Ben, c'est très dansant, hein, ouais. Wood Hands, ouais. Ben oui. Mm-hmm. Bon. Kiwan. Oui. D'habitude, c'est moi qui te fais faire un quiz sur les téléromans, les soaps américains, mais là, t'as envie de virer la chose de bord un peu. Ben, c'est parce que c'est rendu trop facile, je trouve, pour moi. Tout le les mêmes personnages, finalement, donc tu peux deviner tout de suite qui est attaché à quoi. Ben, des fois, il y a des petits pièges, quand même. C'est ça, donc on va voir si toi, tu les connais aussi bien que moi. Non. Je peux te dire d'avance, si je l'ai, ça va être un hasard. OK, donc. Il va y avoir une option, si jamais tu le trouves pas, il va y avoir un indice à ajouter. Tu peux appeler à la maison? Oui, exactement, tu as droit à un appel. Demander à un passant? Oui. Seulement si, par contre, seulement si tu as un seul écouteur sur ton oreille, là, tu as le droit, OK. OK, là, je peux? Il faut que tu touches ton nez et que tu prennes tes orteils avec la même main. Je peux pas tenir mon écouteur en même temps. Bon, tu veux, tu pourras pas d'abord. Bon. Tu n'auras pas le droit. Donc... Le résumé du défi de l'amour cette semaine, donc ils sont en onde. Présentement, il reste 2 minutes environ, donc malheureusement. On est sur la fin du premier. Ou du deuxième, parce qu'on sait pas, là. C'est dans quelle heure tu vas les dire. Oui, c'est vrai. C'est ça, bien. Ah, est-ce que tu viens de te dire un indice, toi, là? Ça paraît que t'as jamais animé de quiz à la radio, Kiwan. Ben non, ouais, en vrai, je suis un vrai Yves Corbeil, moi. Ouais. Un petit peu. Non, mais t'as des vieilles références pour les quiz, toi. Là, j'ai les deux devant moi. OK. Donc, mélange-les, là, sur l'écran. Je vais les mélanger. OK. Donc. Cette semaine, Matt est persuadé que Trisha va être admise en institution psychiatrique. C'est un scandale, quand même. Ouf! Sharon visite le Dr. Thompson et lui avoue que Matt lui a fait prendre du rohypnol. Rohypnol. Ça, c'est un médicament pour endormir? J'imagine. On sait pas. Donc, t'as Trisha, t'as Matt, t'as Dr. Juan Moron. Attends un peu, c'est pas fini. Non, OK. Phyllis ne sait trop comment dire à Jack que tout est fini entre eux. Bon, Phyllis, Jack, Trisha, Dr. Thompson. C'est deux noms, masculin ou féminin, mais bon, peu importe. Peut-être. Ouais, c'est peut-être Jacqueline. Peut-être. Peut-être, on sait pas. Comme un moment. Comme tu dis Jacqueline. Hein? Donc, est-ce que t'as besoin de l'indice supplémentaire? Est-ce que je peux en avoir un sur les deux ou faut que j'en ai un en tout, là? Des indices. T'sais? Ça va être. Tu vas voir. À la fin ou maintenant? Veux-tu un indice? Est-ce que tu es capable de. Veux que tu me dises comment marche ton maudit quiz? OK, si tu veux un indice, je vais te dire le générique de l'émission dont je viens de dire le tu vas me le chanter? Non, je vais te le lire. Il y a des paroles sur le générique. OK, il faudrait faire ça un petit peu plus bref. Là, dépêche-toi. OK, tu veux le générique? Oui, s'il te plaît. Danielle Goddard dans le rôle de Kiny Ashby. Greg Reichardt dans le rôle de... Ça me sert à rien du tout. De Kevin Fischer. Ouais. Christian Leblanc dans le rôle de Michael Baldwin. C'est très, très soap. Christian Leblanc. OK, mon indice, te sert à rien? Non, non. Mais prends une chance. Là, dis-moi le nom de l'émission en anglais, ça m'aider. C'est un petit peu long, là, fait qu'il faudrait faire ça un petit peu plus court, là. Fait que ça, c'est les deux que tu m'as donné dans la même temps? Non, non, là, c'est toute la même chose. Il faut que tu trouves quelle émission appartient à ce matériel confondu. C'est quoi mes deux choix? Ben, tes deux choix, c'est les feux de l'amour et top modèle. OK. Est-ce que tu veux que je répète ta question? S'il te plaît. Veux-tu consulter la famille? Oui. Mais ils sont pas là. Bon. Je veux dire feu de l'amour. Merci, tu vois. Hasard total, pile ou face. Ping. Bravo. Est-ce que tu savais qu'il y a un jeu télé au Royaume-Uni qui s'appelle pile ou face et que c'est littéralement un jeu de pile ou face? Tu savais ça? Ah ouais. C'est nouveau, là, ça vient de commencer. Wow, c'est intéressant. Donc tu regardes des gens faire des pile ou face pendant une demi-heure. Moi, j'avais vu une parodie de ça il y a 2 ans maintenant, mais là, pour vrai, là, c'est vraiment, ça a commencé à être diffusé. Là. C'est le gars qui arrive et ça dure, je sais pas, une heure, mettons. Il reçoit la personne invitée qui est comme toute super excitée. Puis là, littéralement, il y a un jet de lumière qui arrive. Ça fait... Puis là, wing, pack. Puis là, elle dit pile, mettons, fait qu'il découpe. Puis là, c'est... Ta-ta-ta. On sort après la pause, mettons. T'sais. Wow, mais peut-être que c'est juste les effets de lumière et sonore hein, qui rendent cette émission-là intéressante. Et pour le découvrir, je pense qu'on devrait le transposer à la radio. Ah, mais très bonne idée! Un autre journée, peut-être. Après la pause. On va faire ça après la pause. Pour l'instant, on va entendre une pièce, un classique de 2009, mais qu'on se réapproprie pour 2010 et on va le jouer toute l'année pareil, de toute façon. Fait que ça change pas grand-chose que ça soit sorti en 2009. Hein? Vraiment pas. Non. Est-ce qu'on fait jouer Paloma ou le feu de la danse? Pile ou face. Le feu de la danse? Bon, je sais pas, je me rappelle pas de l'autre nom. Okay. La Réoblique. Donc, ça va être Paloma, je crois. Paloma. The We Are Wolves. Tout de suite, à Assemblage Rookie! 89 FM. We Are Wolves et Paloma. Assemblage requis, ça vient de l'album Invisible Violence, Invisible Violence. C'est comme pile ou face, ça se dit aussi bien en anglais, excepté qu'en anglais c'est à l'envers, c'est comme face ou pile. Heads or tails. Fait divers intéressant, hein? Non, mais on parlait de pile ou face, le célèbre jeu britannique qui est une nouveauté. C'est un quiz télé, un peu comme Le Banquier. Sérieusement, il y a même le chum de la fille, la participante, qui vient lui dire, tu sais, l'animateur, il demande, est-ce que tu prendrais pile ou face? Il dit, on s'en fout! C'est un coup de chance, tu sais pas ce que ça va être, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est quand même une belle parodie, même si c'est pas ça qu'ils voulaient faire, là, même si eux c'est sont pas vraiment sérieux hein, quand ils réalisent, quand ils produisent cette émission-là. Je trouve que c'est quand même une belle parodie des émissions quiz de ce genre-là en général, là, comme Deal or No Deal ou Let's Make a Deal ou je sais pas trop. C'est ça. Mais tant qu'à faire un quiz comme Le Banquier où tu choisis un chiffre puis après ça, tu choisis des valises, qui dans le fond, ça sert absolument à rien ce bout-là. Ça sert absolument à rien. C'est simple, jaser pour le fun. Tu pourrais aussi juste ouvrir la valise puis dire t'as gagné ou t'as perdu puis ce serait le même résultat, là. Ouais, sauf qu'il passerait 25 concurrents dans une demi-heure. Ce serait peut-être plus intéressant à regarder. Peut-être. Hein? Parce que le suspense, il est pas là, là. On s'en fout, là. Ouais, ça serait peut-être pas plus intéressant, mais ce serait peut-être moins pénible, par contre. Ah. Peut-être. Ça pourrait jouer entre deux émissions, un peu comme Roue de Fortune. Ces Roue de Fortune, ils ont réalisé que ça marchait pas une demi-heure ou une heure de ça au Québec. Aux États-Unis, ça a fait fureur. Ça veut pas dire que c'est le fun à regarder, ça. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On va être de retour avec une deuxième heure tantôt. Deuxième heure qui va inclure, entre autres, une chronique technologique CNX, le grand retour de CNX après tant de semaines d'absence. Hein? Un petit peu de technologie, ça fait pas de mal à personne. Oui, tu vas parler de gadgets dans ta chronique CNX. C'est dans quelques minutes à Assemblage requis. Des choses complètement ridicules s'en viennent. Tu vas pouvoir garder ton burrito au chaud quand tu sors de chez vous. Ah, cool. Micro-ondes extérieur. Je vais pouvoir arrêter de m'asseoir dessus. C'est fou dans ton char. 89-1-1-1. Bonjour, on entre dans la deuxième heure d'Assemblage requis, de la première émission d'Assemblage requis de la nouvelle année 2010, mais pas de la nouvelle décennie. Hein? C'est la dernière année de la dernière décennie. Des années 2000. Marche-tu, ça? La dernière année de la première décennie des années 2000. Ouais, parce que 2000, c'est long. Ça va jusqu'à 3000. Hein? Bon. Donc, bon retour, deuxième heure, Kiwan et Mathieu, toujours jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées où on fait pas mal n'importe quoi. Et plus tard, dans l'émission, il va y avoir la chronique CNX. Ça sent bien, ça. Ça sent bien. On va parler vraiment de bouffe aujourd'hui avec, entre autres, un grille-pain avec une transparence devant et un autre, un grille-pain avec comme une imprimante. Comme le pain il tombe et puis, tu sais, comme une pile, en tout cas. T'en entendras parler tantôt, hein? Ben oui, tu sais, moi, j'aime beaucoup les grille-pains. J'aime beaucoup les grille-pains excentriques. OK, voici Hôtel Morphée. Et dans sur les toits. Ouais, je suis sur le site là, d'Hôtel Morphée puis des belles chambres pas trop chères, là. Est-ce qu'ils ont des grille-pains? Oui, oui, c'est inclus. Merveilleux. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse gronder le moteur. Défiler les acteurs. Descends doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Encore. Plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main soldat de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. T'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond béant. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles. Hôtel Morphée danse sur les toits, assemblage requis au 89.1 FM avec Yoann et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, tout à fait. Et maintenant, c'est l'heure, Mathieu, où tu fais ta chronique, c'est Nyx. Ouais, ça fait comme 3 semaines qu'il n'y en a pas eu, donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de matériel dans celle-là. Google Gadget. Oh oui, c'est la chronique technologique Cénix, c'est la chronique la plus geek de la radio. Et puis aujourd'hui, ben, c'est Google Gadget. Donc on parle de gadgets soit utiles ou soit complètement ridicules. Ou les deux. Oui, les deux. Oui, mais ça peut dépendre des gens, vous allez voir. On commence avec un article sur Branchez-vous Gadget. Si votre résolution de nouvel an consistait à connecter votre ordinateur personnel à votre téléviseur pour pouvoir jouer à des jeux vidéo ou à surfer sur le web à grands coups de 52 pouces, mais que vous n'avez pas envie d'enfermer votre ordi dans le meuble de votre télé ou de laisser traîner un câble de bureau jusqu'au salon, ce que je fais, la compagnie Warpia a quelque chose à vous proposer. L'adaptateur USB sans fil Warpia permet de connecter un ordinateur à un téléviseur par les airs, sans fil, à une distance de 10 mètres ou moins. La base se branche dans le téléviseur dans une prise HDMI ou VGA, tandis que le signal de l'ordinateur est transmis via un émetteur qui se branche dans un port USB sur l'ordinateur. La résolution maximale supportée est de 720p, donc c'est pas de la pleine résolution HD, mais c'est quand même pas si mal pour la plupart des applications. Ça coûte environ 120$, donc pas cher pour tout ce que ça peut faire. Sans avoir un ordinateur dans le salon. Moi, c'est ça, j'ai un ordi dans le salon branché à la TV, c'est bon. Hein? C'est un petit peu encombrant pour prendre la place, mais c'est pratique. Alors ça, sans fil, encore mieux. J'adore. Vous cherchez un cadeau de dernière minute pour le gourmand qui partage votre vie. Hein? La nouvelle génération de la friteuse Active Fry de Tefal pourrait lui faire pousser un sourire. Vous avez peut-être vu ça là, sur Internet, ça fait fureur. Et peut-être aussi quelques bourrelets, ça pourrait être utile. L'appareil utilise une technologie brevetée basée sur la manipulation de la chaleur et sur un système de brassage unique. Donc c'est une friteuse qui fonctionne comme ça. Par quoi? Qu'est-ce que je disais? Est-ce que c'était par USB? En tout cas, bref, ça prend pas beaucoup d'huile. Hein? C'est ce que ces créateurs prétendent. Le résultat, on pourrait apparemment préparer 1 kg de frites avec seulement 15 ml d'huile et préparer toutes sortes d'autres plats comme des légumes sautés, du riz, des desserts moins grassement qu'à l'habitude et sans les risques d'accidents associés à la manipulation d'une grande quantité d'huile bouillante. Voilà. C'était pas la meilleure façon de faire ami-ami avec le diététiste du quartier, dit l'article, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. C'est pas que c'est USB. Je crois pas, ça le précise pas en tout cas. Ça a l'air d'être branché normalement. Mais une cuillerée d'huile pour 1 kg de frites. C'est la technologie. C'est bizarre, c'est dur à croire. C'est ça. Que, mais c'est Tefal, c'est infaillible. Alors que la batterie de son gadget favori soit chargée, attendre que la batterie de son gadget favori, oui, soit chargée, quand même, c'est long. Bon, surtout si le chargeur n'est doté que d'un câble ridiculement court qui fait qu'on ne peut pas se servir du gadget à moins de s'asseoir par terre. Mais n'ayez crainte, quelqu'un a activé le Brando Signal et Brando Man est arrivé avec la solution, dit l'article. Donc c'est le bracelet chargeur de la compagnie Brando qui permet de recharger presque tous les gadgets mini USB sur terre, ainsi qu'une foule d'autres bidules compatibles avec la dizaine de connecteurs fournis, par exemple la PSP, Nintendo DSi, les téléphones cellulaires Nokia et Sony Ericsson. Donc c'est un bracelet. Il suffit de charger la batterie cachée dans le bracelet en la branchant dans un port USB de l'ordinateur. Puis, lorsqu'un de vos gadgets tombe en panne d'énergie, vous n'aurez qu'à le connecter au bracelet pour continuer de vous en servir en lui redonnant des forces où que vous soyez, même au fond de l'Amazonie, pour seulement $35 américains. Même si le look a l'air bizarre, ça peut être pas mal utile. Tu sais, quand tu dois brancher ton téléphone puis ton fil est loin de même, puis qu'il faut que tu le branches dans le mur, là. Pas pratique du tout, ça. Pas du tout. Avez-vous la mauvaise habitude de perdre votre portefeuille? Eh bien, n'ayez crainte, le iWallet, hein, un autre gogos qui commence par la lettre I, un autre, se chargera de vous faire savoir que vous êtes en train de commettre l'irréparable. C'est fait de Kevlar, de fibre de verre et ou de fibre de carbone, d'accord? Le iWallet est doté de la technologie Bluetooth. Pourquoi, demandez-vous? Pourquoi? Eh bien, pour que vous puissiez le marier à votre téléphone cellulaire et pour que le iWallet puisse se mettre à hurler dès qu'il se trouve à plus de 5 ou 10 mètres de son, de 5 à 10 mètres, oui, de son ami téléphone. Donc, si vous perdez l'un ou l'autre, hurlement garanti. Si vous perdez les deux, ben, ça va être votre hurlement à vous. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu perdes les deux. Faut pas que tu les mettes comme dans ton sac banane, mettons, puis là, tu perds ton sac banane. Là, t'es vraiment fourré. C'est arrivé souvent, ça. Ouais. Évidemment, si vous perdez votre iWallet et votre téléphone en même temps, bon, et que j'achète. C'est un peu ce que je viens de dire, finalement. 300 à 600 $ via device. Hein? Quand même cher pour ouais, ça. Quand même. Vraiment très, très cher. Je pense qu'à ce prix-là, on peut se permettre de perdre son portefeuille une couple de fois avant que ça soit rentable. C'est ça. Tiens, est-ce que t'as des fils chez toi qui prennent beaucoup de place? Je trouve ça laid. T'aimes pas ça, les fils? T'sais, moi, j'ai ça, les fils à terre. Je trouve pas ça beau. Des tie wraps, ça fait la job. Mais en même temps, ici, on a un beau petit concept. En tout cas, je crois que c'est un concept. Au lieu de perdre votre temps à démêler des fils hey, quand vous faites le ménage, c'est difficile avec l'aspirateur. Il y a des adaptateurs Midori AC. Donc, c'est des adaptateurs de courant qui sont avec un design de fausse vigne. Ça ressemble à des branches vertes de plastique un peu. C'est vraiment gogos. Du faux foliage, qu'on appelle. Hein? Moi, je croyais que c'était un concept, mais apparemment qu'ils sont en vente sur le site de Microworks pour 15 $ environ. Je sais pas. Je sais pas comment tu vas faire non plus pour brancher ton fil dans ton téléphone cellulaire, hein, parce que les fils ont tous différentes prises, ou tes appareils ont tous différentes prises, mais bref, j'imagine qu'avec le temps, ils vont sortir de plus en plus, mais ça ressemble à des feuillages. Feuillage, le mot, je pense. Ça doit être très beau. Ça vaut combien pour le fun? C'est plastique. 15 $ par fil. Par fil. Sur le site de Microworks. Il doit y avoir moyen de gosser quelque chose au Dollarama pour beaucoup moins cher. Sûrement. Si vous êtes bricoleur. Ouais. Est-ce que ça va être aussi beau? Ah, ça dépend des goûts. Ben, j'ai pas vu de quoi ça a l'air ça, là, mais en tout cas. T'es revoir sur assemblagerequis.com. Je vais faire ça, certainement. Ouais. Au lieu de vous sortir du lit à des heures complètement inopportunes ou, comment dire, pas pratiques, hein, pendant votre. Tu sais, est-ce que tu connais les cycles du sommeil? Environ une heure et demie entre différents cycles de sommeil. Mm-hmm. Si tu te réveilles à la bonne période, tu vas être de bonne humeur. Sinon, ça va défaire ton cycle. Bref, le WakeMate, c'est un bracelet qui utilise de l'actigraphie pour déterminer des points où tu es semi-réveillé dans ton cycle de sommeil. Et tu lui donnes une période de 20 minutes à l'intérieur de laquelle tu vas être réveillé. Il va essayer le plus possible de te réveiller dans ces 20 minutes-là, mais à une période où tu es semi-réveillé dans ton cycle de sommeil. Donc, le WakeMate devrait être disponible d'ici à la fin du mois de janvier 2010. Ça va se vendre 50 $. Vous pouvez les précommander sur leur site en ce moment avec seulement 5 $. Donc, pour le réserver, c'est sur wakemate.com. J'adore l'idée. J'aimerais ça pouvoir m'acheter ça. Je trouve ça a l'air cool. Si ça fonctionne, j'adore ça. Mais c'est sûr qu'il y a une partie psychologique aussi là-dedans. Un coup que t'as acheté ton gadget, puis tu dis « Ah, ça va marcher », puis tu te réveilles, puis là, t'as déjà une tendance à être de plus de bonne humeur, puis plus en forme, parce que tu veux y croire, puis tu veux... À moins que tu sois de mauvaise foi, puis que t'aies pas envie que ton gadget, il marche, là, mais c'est rarement le cas. Là, que, quand t'achètes quelque chose de nouveau, t'es content, tu dis « Ah, ça va marcher, ça va être le fun ». Donc, je vois, je suis sûr que juste l'effet placebo là, de ça, ça doit avoir un effet sur moi. Mmh. Tiens, pendant que tu dors, peut-être que toi, tu tiens un verre d'eau proche de ton lit. Ma main. Moi, c'est toujours dans ma main quand je dors. Je t'imagine. Donc, il y en a qui aiment peut-être boire un verre de lait, disons, avant de se coucher. Peut-être, ça peut arriver. Hein? Ça vous aide à vous endormir, je sais pas trop quoi. Donc, ici, ce qu'on retrouve, c'est un verre. Mais il n'y a pas de lait dedans, c'est un plastique opaque. Ça ressemble à du lait, donc l'intérieur du verre est fait de plastique opaque blanc, d'accord? Et ça brille avec des lumières LED. Ça prend 3 batteries 3A, donc tu mets ça, c'est une lumière. C'est comme une veilleuse, si on veut. Donc tu vas avoir ton verre de lait et ta veilleuse qui ressemble à un verre de lait. Ou je sais pas, c'est complètement inutile. T'sais. C'est 11,50 $ chaque sur Amazon. Je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait acheter ça. Comme cadeau blague. Si on en font ça en forme de grosse bière. Ah. Ou ça, peut-être ça un pourrait jour. Vraiment aider à s'endormir. Ben oui. Avant de se coucher. Ça ferait peut-être tourner ta tête aussi. Un petit peu. Je sais pas. C'est peut-être l'effet placebo encore. Le micro-ondes a beaucoup changé depuis des années. Hein. T'sais, on a rajouté plein d'affaires. Là. Ça va de mieux en mieux. Des petits écrans LCD dessus. C'est super mignon. Tout ça, la révolution des fours micro-ondes. Maintenant, la Wavebox vous permet de préparer de la nourriture où que vous soyez. C'est un micro-ondes portable ou portatif qui est à peu près de la même grosseur qu'un petit cooler, ce qu'on amène en camping. Ça fonctionne soit dans une prise de courant, bon, dans le bois, peut-être que ça va aller un petit peu moins bien, ou sinon, c'est la prise de votre voiture. Hein? Ça peut être utilisé de plusieurs façons. Il y a une poignée pour le transporter. Ça pèse 14 livres. c'est quand même pas si cher que, pas si lourd que ça. Il y a des boutons preset, presque toutes les options d'un micro-ondes, là, tu sais, il y a des boutons preset, j'imagine, pour un popcorn ou je sais pas trop quoi. Il y a même un petit affichage avec des lumières, là, et tout. Tout ce qui manque, c'est une fenêtre pour voir votre repas. Donc, peut-être que vous allez brûler quelques repas avec ça. Mais c'est un petit prêt payé, hein. Ça vaut 250$, la Wavebox. Pas si cher que ça pour faire du micro-ondes dans la nature, si on veut. Mais là, où est le plaisir s'il n'y a pas de fenêtre pour regarder? Ouais. Ben justement, ben parlant de fenêtre, bon point que tu amènes là, hein? Ça va m'amener à notre prochain sujet. Mm-hmm. Ceux qui aiment se faire des toasts, des rôtis, le Magimix, ça s'appelle vraiment le toaster, c'est en anglais, mais le toaster vision, Magimix le toaster vision, vous permet de voir vos tranches en train d'être grillées. Donc c'est comme un mélange entre un grille-pain vertical et un grille-pain horizontal. Donc tu mets tes rôtis à la, je crois, verticale, la façon que je vois l'image, mais il y a une vitre à l'avant. Donc, tu vois le devant de ta rôti. Tu vois vraiment la toast en train de griller dans ton toaster. C'est pas magique, ça? C'est pas malade? C'est quatre, malade, mais... quatre éléments de chauffage situés des deux côtés. Tantôt, tu parlais un peu là, avant ta chronique. Tu disais que tu allais parler de grille-pain dans ta chronique. Puis là, j'ai eu l'air un peu débile parce que je disais, moi, j'aime beaucoup les grille-pain fantaisistes. Mais je pensais que c'est parce que je t'en avais déjà parlé, mais tu sais, que je te l'avais montré même. Je t'ai pas montré mon beau grille-pain John Deere. C'est la seule raison que je suis allé chez vous au jour de l'an, t'sais. Ben oui, c'est ça. On voulait faire des toasts. Ben oui. Non, mais pour vrai, moi, j'ai un grille-pain John Deere. C'est ma copine qui me l'a offert. OK. Puis ça fait des toasts avec un chevreuil dessus parce que le logo de John Deere, c'est un chevreuil. Donc ça fait un beau chevreuil sur la toast. Ça marche vraiment. C'est vraiment incroyable. Très, très cool. Je l'adore. Je vais aller voir ça. Prochaine fête, c'est quoi, la Saint-Valentin, toi puis moi? Parfait. Go for it. Dans le bain tourbillon, ça fait des toasts. C'est un bain tourbillon, en plus. J'ai pas vu ça, moi. C'est pas vu, non. Ça avait l'air vraiment, c'est pas de ça du tout, ton appartement. Non, ça a l'air un peu crappy, là, mais en fait. Non! Très bel appartement. Donc, si vous voulez voir une vidéo de ce grille-pain en train de griller des rôtis à la verticale, c'est sur assemblagerequis.com. Un autre genre de grille-pain, on parle d'un grille-pain qui ressemble à une imprimante. Donc, c'est sûrement l'inspiration du gars. Hein? C'est que vous pouvez mettre une grosse pile de pain en haut. D'accord? Comme mettons que tu invites des gens, c'est difficile de faire juste 14 à la fois, tu sais, des fois. Donc tu mets ta pile dessus, et puis là ils vont descendre. C'est un concept, là, c'est pas un vrai gadget qu'on peut acheter. Et là ça descend à travers la fente et ça te dépose ça sur une pile ou une assiette, comme tu veux. Très très bon concept, un peu comme une imprimante. J'adore l'idée, donc allez voir assemblagerequis.com pour des photos. Et je vais finir avec un dernier gadget que tu vas choisir, Kiwan, parce que le temps file et mes chroniques sont longues. T'as le choix entre un verre avec des picots dessus qui va deviner ce que tu bois en l'écrivant sur le verre. Ça, c'est le gadget numéro 1. Une extension intégrée au mur. Donc, si t'as besoin d'un aspirateur, de plus de place pour ton aspirateur, mettons, là, bon. Troisième choix, contrôler la télé avec un iPhone. Ou quatrième choix, une tablette de système de son qui flotte. On va aller avec le verre. Le verre, bon choix, Kiwan. Donc, on parle ici du Cypher Drinking Glass. C'est le designer Damien Stankovic qui a inventé ça. C'est un concept, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est achetable. Donc, quand le verre est vide, il a l'air d'être décoré avec des petits picots colorés. Et aussi qu'on le remplit soit de lait, de jus d'orange, de cola, si on veut. Eh bien, le nom va se mettre à apparaître sur le côté. Ça va détecter chimiquement, ou je sais pas trop quoi. Donc, je pense que c'est plus la couleur du liquide, c'est ça. C'est la couleur du liquide qui va faire que le mot de ton breuvage va apparaître. C'est pas malade, ça? Le mot apparaît sur le verre à cause de la couleur. Donc, c'est pour ça que les points sont de couleurs différentes. Donc, par exemple, quand le liquide est orange, ben les points vont apparaître, tu sais, en marquant orange sur le côté. C'est un peu difficile à décrire, mais va voir la photo. Dans le fond, c'est que les couleurs vont être comme, tu sais, mettons, quand il y a du orange, ça apparaît pas, l'orange apparaît pas. Puis, en tout cas, genre. C'est une affaire de couleur primaire, là. C'est full artistique et poétique, là. Sérieux, tu mets le liquide? En tout cas, c'est un concept, le gars. Je sais pas comment il va faire ça pour le réaliser, mais c'est un concept. Ah, ben c'est intéressant. Si mettons que l'orange, je sais pas comment le décrire. Ben. C'est bien fort. C'est bien, bien, bien fort. Ben, beau choix comme dernier article, Kiwan. Vraiment, je te félicite. Allez voir le lien de ce que j'ai mentionné sur assemblagerequis.com. C'était la chronique GoGo Gadget pour aujourd'hui. T'en as appris des choses, hein? Oui, beaucoup. Et puis, prochaine chronique, CNX. Demain. Demain. Il y en a trois par semaine ici à Assemblage Requis. L'émission est quatre fois par semaine, donc trois chroniques dans ces quatre émissions-là. Et il n'y a pas eu d'émission hier, donc... Et est-ce que dans la nouvelle année 2010 de la dernière décennie bimensuelle, il va y avoir encore une émission CNX.zip? Oui, bien sûr. Tous les lundis matins à 10h, on compresse toutes les chroniques CNX en une seule et même émission, Kiwan. Bon, c'est ça que je voulais savoir. C'est dit. Lundi, 10 heures. Lundi prochain à 10h, CNX.z. Et pour ceux qui aiment les gadgets, mais qui veulent entendre parler de d'autres sujets qui ne sont pas des gadgets, donc qui n'ont pas nécessairement des puces et qui ne sont pas branchables USB ou whatever, là, il va y avoir une nouvelle sorte de chronique que je vais intégrer dans Sondage Requis. Je te renseigne comme ça là-dessus. Une chronique sur les choses qui devraient peut-être pas exister, mais qui existent. Ah. Des gadgets qui sont... Ben, en fait, pas des gadgets parce que c'est pas branchable. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Des choses qui existent. Tu te dis, ah, mais j'aurais jamais eu besoin de ça. Ah, ben, ça tombe bien, ça existe. Ça sent bien. Oh, mais on va attendre ça avec impatience, l'introduction de cette nouvelle chronique. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Ça aurait pas dû exister, mais ça existe. Je comprends. Bon, voici Twice Traffic qui est un grand succès de la fin de l'automne dernier. Voici Noisemaker. Assemblage requis. Une émission qui existe. Est-ce qu'elle devrait exister? On verra dans ta prochaine chronique de choses qui ne devraient pas exister. Cougarette, t'es la pièce Barcel. C'est un groupe que je t'ai fait découvrir pendant les fêtes, Mathieu. Tu connaissais pas Cougarette? Absolument pas. C'est vraiment très, très bon. Je l'ai vu en spectacle l'automne dernier. Je l'ai découvert au Festival Abba le Macadam. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et ils vont être en spectacle bientôt pour le spectacle de début de session de Shiz, la session de Radio Universitaire de Québec. Ils ont toujours de très bons groupes. Toujours de très bons shows. Et c'est pas tout. Il n'y aura pas seulement Cougarette. Il va y avoir Think About Life, Winter Gloves et Javelin. Donc, tout qu'un spectacle, sont chanceux. Vraiment. Très, très bon. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées sur les ondes de CIFU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Kiwan, si je te dis, je vais te lire un extrait d'une excuse dans le journal. Des fois, on voit ça dans le journal, un message d'excuse. Des fois, c'est très, très vague parce que bien des journaux ont un code d'éthique. T'sais, ils ont vraiment un livre. T'sais, ils suivent les choses. T'sais, t'es pas supposé rappeler l'erreur pour certains journaux. C'est pas tous les journaux qui sont comme ça, mais souvent, c'est tu peux corriger une erreur dans le journal, mais faut pas que tu fasses référence à c'était quoi ton erreur. Tu peux pas dire on l'a nommé tel nom la personne, mais on s'est trompé, c'est un autre nom. Faudrait dire juste vous auriez dû lire telle affaire, mettons. C'est bon. Donc le journal de Peterborough Examiner d'Ontario au Canada a publié cette excuse et je te cite traduit en même temps. Des fois dans la vie, il n'y a aucune autre façon ou aucun autre mot à dire que désolé. Dans le journal de lundi, une photographie a été publiée qui n'aurait pas dû apparaître telle qu'elle est apparue et nous en sommes désolés. Ça n'a certainement pas été publié intentionnellement. Certains de nos lecteurs l'ont remarqué, nous avons immédiatement envoyé la photo dans notre site web et dans notre édition électronique aussitôt qu'on a été au courant du problème, mais l'édition imprimée était déjà à l'impression, donc on s'excuse à tous ceux qui auraient pu être offusqués, offensés, gênés. Et tu dois t'imaginer avec un message comme ça que ça doit être assez intense comme erreur, ça, quand même. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui marche pas, c'est quoi? Eh bien, le site regrettheerror.com, qui est un de mes sites préférés en passant, je le suis depuis des années et je ris toujours, regrettheerror.com, qui est un site qui répertorie les erreurs faites par des journaux. C'est vraiment génial comme site. Donc, le site a fait ses recherches et en fin du compte, l'image montrait un étudiant qui s'amusait à la parade du Père Noël, la Kinsman Santa Claus Parade. Un gars qui s'amusait un petit peu trop, tellement en fait que le photographe a pas remarqué que son pipi sortait de ses culottes. Vraiment, ça a été imprimé dans le journal. Donc, le site Torontoist a l'image. J'ai mis le lien sur assemblagerequis.com. Évidemment, depuis que l'image avait été affichée, elle avait été affichée au complet, là, sans aucune censure. Eh bien, c'est tel qu'elle était apparue dans le Metro Toronto aussi, qui est un autre journal gratuit. Donc, Torontoist a été obligé de pixeliser le membre du gars, parce que le gars a seulement 17 ans, et l'école a demandé au blog de pixeliser l'image. Donc, allez voir la photo, et puis... allez voir, peut-être dans Photoshop, il y a une option dépixelisée pour ceux qui veulent vraiment le voir, là, mais bon, c'est pour vous autres. Moi, je vais garder le pixelisé. Là. C'est sûr que le fait de publier les excuses comme ça attire vraiment l'attention. Ouais. S'il n'y avait pas publié l'excuse, peut-être qu'on n'en aurait pas entendu parler. Exact. Ici, à l'émission, tu n'en aurais peut-être pas parlé. Là, maintenant, c'est sûr qu'on va aller la voir, l'image. T'as pas le choix. Il faut que tu t'excuses, mais c'est vrai que peu importe si tu fais une excuse, peu importe comment tu l'organises, les gens vont aller sur Google, vont taper Peterborough Examiner. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont taper de plus? Parce que c'était pas écrit le mot dans l'excuse du journal. Mais bref, allez voir le lien sur assemblagerequis.com. C'en est assez cocasse que le photographe ait pas remarqué ça, que le genre rédacteur en chef ait pas remarqué, que le gars qui l'a mis dans la maquette, l'infographe, ait pas remarqué ça, que y a une chaîne de gens dans les journaux, les gros journaux, il y a vraiment une chaîne de nombreuses personnes qui passent dessus et personne s'en est rendu compte. Je sais pas si c'était parce que c'était la parade du Père Noël, donc c'était peut-être fin décembre, peut-être que les gens étaient un petit peu moins de rigueur journalistique, on sait pas. Je pensais peut-être que ça faisait partie de la parade. C'est une canne en bonbon. Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'essaie de trouver des raisons. Ben, tu fais bien ça, là. Vraiment. Voilà, donc on va retourner en musique. On va écouter un petit peu de Metric. Qu'est-ce que t'en penses, Kiwan? Ben oui, allons-y. On va entendre la pièce Twilight Galaxy. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Et ailleurs, mais on va pixeliser la place où c'est fou. To dream? Did they warn you?

You Say Party, We Say Die avec Glory. Peut-être un futur extrait du palmarès, qu'en sais-je. Hein? Vous savez, les palmarès qui sont diffusés ici à C'est Fou les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. On a déjà entendu la pièce nombreuses fois, There Is Love Within My Heart. Et on est dû pour une nouvelle pièce de You Say Party, We Say Die dans le palm, je pense. Ben, si tu penses. D'habitude, tu te trompes pas trop quand tu as des pressentiments comme ça. C'est à peine si je l'écoute, cette émission-là. J'aime pas bien ça. Déjà presque à la fin de l'émission, hein, le temps file, mais quelques petits trucs à mentionner. Tu sais, vous connaissez peut-être une chronique qu'on fait ici à Sandage Rocky qui s'appelle CNX. Tu connais ça, Simon? Ben oui, je la connais. Chronique geek, là. Donc, petit truc geek qui se passe dans votre TV. Si vous avez une télé et que vous avez peut-être la câble, et que vous avez la chaîne CNBC, qui est une chaîne financière, cette semaine, il passe plein de documentaires Mac. Et je trouve que ça vaut la peine. Si vous avez CNBC, les écoutez. Vous avez raté Welcome to Macintosh, qui jouait hier soir. Vous pouvez l'acheter sur iTunes pour 15$ seulement. Un beau petit documentaire sur l'historique, l'histoire de Apple, avec plein de gens très intéressants là-dedans. Sinon, aujourd'hui, ce soir, mardi, il passe Mac Heads, qui est apparemment très, très bon lui aussi. Pas eu la chance de les regarder les deux, mais quand même. À ce qui paraît que c'est très, très bon. Même les grands fanatiques de Apple et même les gens qui n'aiment pas Apple ont aimé ces documentaires. Donc, Macheads joue ce soir encore un autre regard en profondeur sur Apple. Et puis, ils vont jouer Planet of the Apps jeudi soir. Donc, allez voir sur le site de CNBC.com. C'est une chaîne financière pas très intéressante le reste de la journée. C'est un peu comme la chaîne Argent. Mais ils jouent de très bons documentaires geek cette semaine. Regardez ça sur CNBC.com. Et autre petite chose qui se passe à partir d'aujourd'hui, ça commence aujourd'hui le Consumer Electronics Show, la grosse foire de produits électroniques. Ça commence à Las Vegas aujourd'hui. Plein de sites sur Internet qui vont être là-bas en direct, dont Device.com. Et si vous voulez suivre le feed Twitter de Device sur twitter.com/device, ils vont être à la minute près sur tous les événements du Consumer Electronics Show. Pour ceux que ça intéresse et qui aiment les gadgets et les télé grands écrans, tu sais, faut pas nécessairement être geek très très fort pour aimer ce qui se passe au CES, des affaires de robots, des affaires technologiques, télévision, produits dont on se sert, même les gens de la moyenne, genre qui sont pas geeks, peuvent aimer des choses qui se passent au CES. Bon, voilà. Peu importe votre niveau de geekitude ou de geekité, vous pouvez écouter ce canal. Et Assemblage Rocky aussi. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas juste des affaires geeks ici, là. Hein, pas juste. Principalement, mais pas juste. Non, pas vrai. Pas vrai. Juste pendant un petit 10-15 minutes par jour. Ouais. Bon. On va bientôt terminer l'émission, comme on disait tantôt, mais avant de terminer, on doit s'écouter un petit peu de Valesse pariétaire, parce que c'est toujours excellent. Excellent. T'es d'accord? Ben oui, c'est excellent, c'est très bon, mais tu dis on doit, là, mais c'est pas une obligation, c'est parce qu'on veut, c'est parce qu'on aime ça. Ouais, donc, mais en même temps, quand tu le veux et que tu le fais, c'est parce que t'as pas le choix, parce que sinon t'aurais décidé de pas le faire. Hein? Peu importe, là. Je sais pas, ça n'a pas vraiment de sens. Tu veux juste avoir le dernier mot, Mathieu? Je sais, je m'excuse. Je vais fermer ton micro. Bon, ben c'est ça. Je l'ai pas vraiment fermé, tu peux continuer de parler, là. Tu donnais l'impression que... Mais... Bien, tu vois, il continue, puis il n'est même pas fermé son micro. Il est bon acteur quand même. Hein? Il pourrait être dans un soap avec Trisha, puis Jack, puis... J'aimerais vraiment ça. Mais non, on va plutôt aller écouter Valesse pariétaire. Quelle pièce on va aller écouter, Mathieu? Ben, je vais te laisser décider cette fois-ci. OK, on va écouter Exil de Valesse pariétaire. OK, ben, tout de suite. Assemblage Ricky. T'as Assemblage Ricky. Tu vois, il était bon acteur, mais là, il a recommencé à parler. Fait que dans le fond, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Non, non, ben, vous êtes à Assemblage Ricky. Au 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. C'est ça. Dans l'émerveillement, quand le silence prend son temps, cette fois je te laisse aller. Thank you. the store. Tears rolling down your face. The vapors all up in the place. Guess I'm alive. Islands, la pièce Vapors, c'est ce qui met presque fin à l'émission Assemblage requis pour aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va être de retour demain entre 15h et 17h avec une toute nouvelle émission. Oui, Assemblage demain... requis, pas une nouvelle émission au complet. Oui, demain, Simon Fitzbay va être ici pour nous faire sa chronique Police Dead. Et quel va être le sujet de sa chronique demain, Mathieu? Il va nous parler du côté sombre de Phil Spector. Donc, c'est demain ici à l'émission, Simon Fitzbay qui va être avec nous. Bien sûr, il y aura une chronique technologique CNX et plein d'autres belles petites choses qui vont s'accommoder raisonnablement avec tout ça. Voilà. Raisonnablement. Donc, on se retrouve demain. Oui, bonne année, Kiwan. Moi, je reste ici, en fait. Ah, c'est vrai, parce que toi, tu suis avec ta dernière porte à gauche. Tout le monde l'oublie parce qu'on a l'impression d'être lundi, vu qu'on commence la semaine le mardi, disons. C'est ça, on dirait que personne veut que je fasse cette émission-là, mais je vais la faire quand même. C'est sûr, parce que je suis pas sûr que je vais te laisser faire, là. On verra. Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter dans ton émission, Kiwan, de la musique? Aujourd'hui, oui, il va y avoir d'excellente musique francophone, comme d'habitude, mais il va y avoir, plus précisément aujourd'hui, il va y avoir Les Goules, il va y avoir du Éric Bélanger, il va y avoir aussi du Major et du Pas Chic Chic. De l'Index, de l'Auriculaire. Éléphantine aussi. Éléphantine, wow! Grosse émission, ça, Kiwan, bonne émission. Merci Mathieu, à demain, bye! À demain, on se quitte avec The Shagbots, une pièce du palmarès Kildo Martinez, à demain! C'est ridicule, ça. T'oublier demain. Je sais pas comment je fais pour t'oublier. Toute l'année, j'essaie de t'oublier, puis là, aujourd'hui, tu sais, je voulais pas t'oublier.